Yeah, yeah, yeah. Vois ta vue, non, vois, tu vois. L'esprit dans ses rimes, vois ta vue. Tu fais si tu fais ça, on t'a pas vu. Ils partent sur les réseaux, n'ont pas de vécu. Au capteur des Schmitt, c'est la PPU. Vois ta vue, ouais, vois ta vue. Au capteur des Schmitt, c'est la PPU. Vois ta vue, ouais, vois ta vue. Au capteur des Schmitt, c'est la PPU. L'esprit dans ses rimes, vois ta vue. Tu fais si tu fais ça, on t'a pas vu. Ils partent sur les réseaux, n'ont pas de vécu. Au capteur des Schmitt, c'est la PPU. Vois ta vue, ouais, vois ta vue. Au capteur des Schmitt, c'est la PPU. Vois ta vue, ouais, vois ta vue. Vois ta vue, non, vois, tu vois. Si t'as pas de ta vue, casse-toi, on veut pas toi. Disser des glycos, ne veut pas dire porter sa paire de yuku. Avant c'était les pas West Coast, maintenant ça se dent comme des zoulous. Nos yeux sont paroles, d'accord, on est ton jacquard, on agit. Si t'as un peu marre d'elle, veut quitter, c'est qu'elle est en chien sur Abou. Ce qu'on veut, c'est des gros sous et sortir de la galère. Je m'en bats les couilles des populaires. Dans ma style, au calqueuse, ben y'a des bécanes en l'air. T'as beau être costaud ou queuse, je te montrerai toujours en l'air. Si on a rage des queues, c'est pour le fils, pas pour vous plaire. T'es plus calme, t'en es plus dangereux, comme mon gars Salix d'Inter. On nous attend, faudra beaucoup d'efforts. La souche te la dévore. Essaye de faire la poteau, t'es mort. On a le mental de Trévor. Je te fais aussi, je fais du au revoir. Je suis allé un peu fort. Niquer des buzz comme tu le vois. Quand tu gagnes, on est trop fort. Tu rôles des C ou des nudés. Si tu passes par la ligne du Yuma, ça fait kick le son, mais ça écoute. Et les clips, ça fait que de l'été. Moi j'ai la cause, même pas ta teuf aussi. Je vois pas qu'elle a un gros tarmar. Elle bosse sur le deux roues, belle et claque. Comme mon gars t'es chassé par les tarmots. Je joue pas le manu, le coq. Si tu manies pas le bloc, ici y'a plusieurs points du pilon. Ben la coque, client, client, rafale que château. Non, tu dois tous ton disciple. Elle n'envole pas des mon pote. Et madame, on se rouge à pas qu'un. J'espère que t'as vu dire qu'un repète à tout heure. C'est l'homme qui va chercher l'argent. C'est pas l'argent qui vient à la moine, mon gars. Les potes d'aujourd'hui se raquettent à soda. Les machines dans le crâne, ça c'est quoi des vraies balles. Ça passe au sac à tu te sommes ou gagnas. Pour du rallye, ici on peut tous venir en bas. Les dans tes rimes, vois ta vue. Tu fais si tu fais ça, on t'a pas vu. Ils partent sur les réseaux, n'ont pas de vécu. Au capteur des Schmitt, c'est la PPU. Vois ta vue, ouais, vois ta vue. Au capteur des Schmitt, c'est la PPU. Vois ta vue, ouais, vois ta vue. Au capteur des Schmitt, c'est la PPU. Les dans tes rimes, vois ta vue. Tu fais si tu fais ça, on t'a pas vu. Ils partent sur les réseaux, n'ont pas de vécu. Au capteur des Schmitt, c'est la PPU. Vois ta vue, ouais, vois ta vue. Au capteur des Schmitt, c'est la PPU. Vois ta vue, ouais, vois ta vie. Vos capteurs des Schmitt, c'est la PPU. Si t'es à fait, merci de reconnaître. Avant de venir chez nous, faut s'informer. Tout ce que tu rêves d'avoir, j'ai déjà. Toi, à mon goût, tu parles chinois. Ça sent le feu bon et tu bastard. Plus fort que moi, non, je vois pas. Tu te mens à toi, mais moi, je comprends pas. J'ai du jack à la pirata. Hola, si faut t'as ta midinero. Si tu donnes pas ça, on fait casser tes gos. Si tu donnes pas ça, on fait casser tes gos. Et ta isone, vois ta vue, son gros bonjour. Allez, fais ton malin, fais ton boucan. Passe des pas à du Dieu, ma grand. Vise la tête, balaye que j'en bouge. Car mon gars, va pas mollo. Voilà tes pros comme un charo. Oui, la concu existe plus. Comme Paris, Marseille, classico. Eh, hey, ma gueule, ferme ta. Elle le blé, elle a ses corps, mode afro trap. Y'a beaucoup de rappeurs, y'en a plus qui disent vrai. On se fait du buzz, comme la tête à ta soeur. 4 LG, ND dans toutes les têtes. Allume ta clope pour ton joint de Jacka. Mélange Coca-Cola, je passe les big up à Chacola. C'est un pour le mic, il prend la mic. Et soi-disant, refais des gars du coin de l'œil. La maman m'a promis la vie, c'est très dur. Et moi, comme un projet, j'ai préféré un acteur. Si t'es bien l'un des autres, fais des signes cafés. Ça fait plus en plus que ça te fera ton sac. Pendant les giro, mais là, ils ont peine de voir la vérité. D'intervenir si je suis comme Vegeta. Mon vieux arrive, on sort le Beretta. On la mettra à l'envers, un conseil n'y pense pas. Quand tu sais la devise, tu connais déjà. Bruki, tu ne négocies pas, y'a rien, on descend et on tire dans le tas, le me ferme dans les mains, ils ont tous un sale sap et qui dit leur mon gars, on va tous les abattre. Un pour la mi-fa, deux pour l'oseille, le temps c'est de l'argent, on charbonne et le réveil. Monnaie, monnaie, Igo, c'est ça le thème, on se fait ça la niki, ouais, c'est ça qu'on aime. Gring, gring, Yandri qui m'appelle RDV à minuit, devant la passerelle sur le net et André, Igo, c'est pas la même, parler pour ne rien faire, dis-moi à quoi ça sert. Les chemises à périmètre, toi t'as vu, tu fais si tu fais ça, on t'a pas vu, ils partent sur les réseaux, n'ont pas de vécu, au capteur des chemises. C'est la PPU, vois ta vue, ouais, vois ta vue, vos enfants les Schmitt, c'est la PPU. Vois ta vue, ouais, vois ta vue, vos enfants les Schmitt, c'est la PPU. Les Schmitt dans tes rimes, vois ta vue, tu fais si tu fais ça, on t'a pas vu. Ils partent sur les réseaux, n'ont pas de vécu. Vos enfants les Schmitt, c'est la PPU. Vois vois ta vie, ouais, vois ta vie, gros tapin et fuite et la PPU. Vois ta vie, ouais, vois ta vie, gros tapin et fuite et la PPU.